j'ai pas eu le temps. Ma frère a corvoyé ten run, j'ai pas eu le temps de tout gazouiller plus longtemps. Au même temps, j'ai pas encore fini ma run. J'ai 12-24 heures pour vivre et tout un jour en roulant. Mon sou dans la ville de Montréal, faut tout le temps. Mettre la vapeur dans mon cheval, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde en même temps. Faudrait que ma minoune soit de mon joual, voilà. J'ai une minoune qui conne, qui grogne, comme un moteur pour me peu carré. Maintenant j'ai des peines usées, il faut que je freine avec mes pieds. Je l'ai payé juste 500 piastres, un vrai balasse qui roule dans la place. Après 500 000, ça m'a coûté 500 piastres, puis j'ai changé la transmission. Les vrais, les pneus, les pistons, ils roulent tout comme un. Je passe mon temps dans mon appartement roulant. Faut tout le temps que je monte en vie faire de l'argent. Plus d'argent, je peux même plus faire de hit and run. Au matin, j'aurai pas le temps de finir ma run. J'ai pas le temps de voir ma noire et son enfant. J'ai pas le temps, l'alternateur a plus de courant. Pogné en plein sur le pont, j'en plein. Les crieurs devant me défoncent les tympans. J'ai plus de minone pour ça quelqu'un dans ses appartements aimants. Mais j'aimerais bien ça qu'il pousse des ailes, que je puisse m'envoler. Mais c'est pas le temps de faire un hit and run quand derrière moi mille autos qui bougonnent. Ah ouais, avance, on va étouffer dans le carbone. Pousse par pouce, le bon boss à ton poisson. Pousse légal, à prendre plus quand tu klaxonnes. Hey, prends ton char, as-tu le téléphone? Amène-la, moi t'y mets un chèque de 100 piastres. Place pour place, je te trouve ma mignonne pour 100 piastres. La sirène, puis pousse-moi qu'un peu d'oxygène. Chaque fois qu'on va dans les appartements du banc, je m'envoie à l'épi sur le pouce, en respirant de Saint-Laurent. Sacré mon cœur, où ce qu'il fait beau. Pis je vais faire une ronde d'amour avec ma noire dans nos bleus appartements d'amour volant. On va prendre le temps jusqu'au petit jour de faire un huit d'amour pour qu'on ronde toujours. De faire un huit d'amour pour qu'on ronde toujours. De faire un huit d'amour pour qu'on ronde toujours. Ok.